الحمد لله الحمد لله رب العالمين للوجة ديو سنيار دي زنبير نوره يحيي القلوب سا لمير غبيل لكور وعفوه يغفر الذنوب et son pardon absout les péchés. Wasitruhu yughatti al-uyub, et son voile secret couvre et cache les défauts. Wababuhu maftouhun da'iman abadan liman yatoub, et sa porte est toujours ouverte pour celui qui revient et qui se repent à Dieu subhanahu wa ta'ala. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار il tend la main lui le très haut tend sa main pendant la nuit pour donner une chance de repentir aux pécheurs du jour ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل et il tend sa main pendant le jour afin de laisser une chance de repentir pour le pécheur de la nuit وينادي ويقول et il nous appelle et il nous dit عبدي serviteur أطعتنا فقربناك tu nous as obéi et on t'a rapproché, ça veut dire de nous. وَعَصَيْتَنَا فَأَمْهَلْنَاكَ et tu nous as désobéi et on t'a accordé un délai pour le repentir. وَلَوْ عُدْتَ إِلَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْنَاكَ mais si tu reviens par la suite à nous, nous t'accepterons. يَا رَبَّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِ كَفْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْآثِمُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ Et j'atteste et je témoigne que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, الصادق الأمين, sincère et digne de confiance. قال لنا, il nous dit, prière et salut sur lui. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة, si la vie ici-bas, ou si le bas monde valait auprès de Dieu l'aile d'un insecte, ما سقى الكافر منها جرعة ماء, il n'en donnerait pas aux mécréants une gorgée d'eau. Dans le cas où le bas monde valait auprès de Dieu l'aile d'un insecte, il n'en donnerait pas aux mécréants une seule gorgée d'eau. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, ورمال الصحراء au nombre des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nombre de la descendance d'Adam et Ève أما بعد après ceci أيها الإخوة والأخوات في الإسلام mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. اسمحوا لي في هذا اليوم أن أسافر بكم سفرا عبر الزمان والمكان. Permettez-moi aujourd'hui de vous faire voyager un voyage spatio-temporel. نغوص خلاله في الماضي pendant lequel nous allons plonger dans le passé لعشرات آلاف السنين pour des dizaines de milliers d'années. سنترك الأرض بأمراضها. Nous allons, pendant ce voyage, laisser la terre avec ses maux, ses maladies, وظلم أصحابها, avec l'injustice de ses habitants, وحروبها, nous allons laisser la terre avec ses guerres. لنشهد حوارا الأخبار بين الله والملائكة, afin d'assister à un dialogue qui a eu lieu entre Dieu, entre Allah et les anges. وأترك القرآن يصف لنا هذا الحوار. Et je laisse le Coran nous décrire ce dialogue. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais placer sur terre un successeur. وأجابت الملائكة. Les anges ont donné cette réponse à Dieu. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بمعنى تأخذ ناس آخرين يسفكون الدماء في الأرض ويفسدون الأرض وتتركنا ونحن أهل التسبيح والتقديس لك, نحن أفضل لعمارة الأرض. Il dit, y places-tu celui qui y sème la corruption et y fera couler le sang à profusion alors que nous ne faisons que te sanctifier et te glorifier. يكاد المرء لا يصدق لما يسمع هذا الحوار. L'homme ou l'individu a tendance à ne pas croire lorsqu'il entend ce dialogue. بين الله وبين الملائكة. Un dialogue entre Dieu le Très-Haut et ses anges. وَمَنْ هِيَ الْمَلَائِكَ حَتَّى يُخْبِرُ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ فِعْلَهِ. Et qui sont-ils ces anges pour que Dieu les informe de ce qu'il veut faire? وَهُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Lui le réalisateur de tout ce qu'il veut, le faiseur de ce qu'il veut. وَمَنْ هِيَ الْمَلَائِكَ حتى تقول لله. Et qui sont-ils ces anges pour pouvoir dire à Dieu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Y place-tu celui qui y mettra le désordre et répandra le sang. وهو الذي قال, lui le Très-Haut qui a dit dans un verset ما يبدل القول لدي. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Chez moi la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. فالله رغم أنه هو الخالق. Dieu, malgré qu'il est le créateur. هو الملك. Malgré qu'il est le roi suprême. هو القوي. Malgré qu'il est le tout puissant. يتكلم مع ملائكته. Il, malgré tout ça, il parle avec ses anges. ويخبرهم بما يريد فعله. Et il les informe de ce qu'il va faire. ويفتح لهم المجال لسؤاله. Et il ouvre devant eux, devant les anges, le champ pour l'interroger. وكل هذا كرما منه. Et tout ceci par effet de bonté de sa part. هذا هو الله. Tel est Allah. Tel est Dieu. ربكم. Tel est votre Seigneur. فكيف ينساه المخلوق. Comment la créature puisse oublier Dieu subhanahu wa ta'ala. بل كيف يعيش المرء بعيدا عن حبه. Plutôt comment l'individu puisse vivre loin de son amour. الله ربي. لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. والله لم يقم بالحوار مع الملائكة فقط. Dieu n'a pas réalisé un dialogue uniquement avec les anges, بل حاور آدم عليه السلام. Plutôt, il a noué un dialogue avec Adam, notre père, prière et salut sur lui. وحاور الأنبياء عليهم السلام. Et il a dialogué, Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Roi Suprême, a dialogué de la même manière avec plusieurs prophètes. وحاور حتى إبليس. Dieu a dialogué même avec Satan, avec le père de tous les Satans, Iblis. تعلمنا الحوار مع الأصدقاء وعلمنا الحوار حتى مع الأعداء. Ainsi, il nous a enseigné le dialogue avec les amis et même avec les ennemis. Il nous a enseigné même le dialogue avec les ennemis. وأتساءل. Et je m'interroge. هل هناك حوار بين الجمعيات الإسلامية؟ Y a-t-il un dialogue entre les associations musulmanes؟ هل هناك حوار بين أفراد الجالية؟ Je m'interroge, y a-t-il un dialogue entre les différentes ou entre les membres, différents membres de la communauté؟ بل أقول هل هناك حوار في البيت؟ Plutôt, je peux même dire, y a-t-il un dialogue au sein du foyer؟ بين الرجل والمرأة، entre l'homme et sa femme، بين الوالدين والأولاد، entre les parents، y a-t-il un dialogue entre les parents et les enfants؟ أم هناك القطيعة، ou plutôt y a la coupure générale، وكل في واد، et chacun se trouve dans une vallée. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais placer sur terre un successeur, Adam wa dhurriyatu, Adam et sa descendance, qui est le calife ou le successeur. قالوا, قالت الملائكة, قالوا, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils dirent, y places-tu celui qui y mettra le désordre et répandra le sang alors que nous ne faisons que proclamer ta sainteté et te glorifier. Al-Malaïka, ta'ajabat min iradat Allah. Les anges se sont étonnés de la volonté de Dieu. Hasan Ba'at al-Mufassirin, selon quelques interprètes du Coran, مثل ابن عباس رضي الله عنه كم ابن عباس كديوس وصاتيس في دلوي قال كانت مخلوقات يعني الملائكة لا تعلم الغيب les anges ne connaissent pas l'inconnu ce qui arrive demain ou après demain فكيف قالت من أين أتاها العلم وقالت لله كيف تضع في الأرض خليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء كيف عرفت أن الخليفة آدم وأبناؤه سيسفكون ويفعلون ويفعلون Comment les anges ont eu ce savoir? Comment ils ont su que le calife ou le successeur va faire couler le sang sur la terre? قال كانت مخلوقات قبل آدم في الأرض وكانت تتقاتل وتسيل الدماء ورأتها الملائكة فلما قال الله بأني واضع في الأرض خليفة تذكرت الملائكة المخلوقات الأولى التي تقاتلت فيما بينها وقالوا يا رب بعد نهاية هؤلاء المخلوقات ستضع مخلوقا آخر يقتل ويدمر في الأرض. Donc comme les anges ont vu que dans le passé il y avait des créatures qui s'entretuaient sur la terre, après la fin de ces créatures, ils ont posé la question à Dieu, comment vas-tu placer une autre créature qui va encore faire couler le sang? والملائكة تعجبت وسألته سؤالا. Les anges se sont étonnés et ont interrogé Dieu, une interrogation ليس للاعتراض على إرادته فهم لا يعرفون المعصية. La question, l'interrogation des anges, c'était pas pour s'opposer à la volonté de Dieu, parce que les anges ne connaissent pas la désobéissance à Dieu. تقول الآية لا يعصون الله ما أمرهم. Le verset dit, en parlant des anges, ne désobéissent pas aux ordres de Dieu. وليس كلامهم ليس حسدا لآدم عليه السلام. Et leur proposition, leur interrogation à Dieu subhanahu wa ta'ala n'était pas venue par jalousie à l'égard d'Adam, prière et salut sur lui. فهم لا يعرفون الحسد. Parce que les anges ne connaissent pas la jalousie. فالملائكة مخلوقات نورانية. Les anges sont des créatures lumineuses créées à partir de la lumière. لا يأكلون ils ne mangent pas, ولا يشربون ils ne boivent pas, ولا يتزوجون les anges ne se marient pas, ولا يلدون les anges n'enfantent pas, ليسوا إناثا ولا ذكورا ils ne sont où ils, parmi eux il n'y a pas des mâles et des femelles, لا شهوة لهم ils n'ont aucun désir, يسبحون الله كما نتنفس نحن, il glorifie Dieu subhanahu wa ta'ala exactement comme nous on respire, eux ils glorifient Dieu au rythme de notre respiration, يسبحون الليل والنهار لا يفطرون, ils glorifient Dieu jour et nuit sans arrêt ni repos. قالت الملائكة, les anges dirent, كيف تجعل في الأرض أناسا يعصونك يا رب, ô Seigneur, comment places-tu sur la terre des gens qui vont te désobéir. فَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ, Dieu leur a donné cette réponse sous forme d'un verset coranique, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, il leur dit, je sais ce que vous ne savez point. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَمَا تَعْجَبْتُمْ, si vous savez ce que je connais, vous ne vous étonnerez pas. تقول الآية, le verset suivant dit, وعلم آدم الأسماء كلها, il enseigna, ça veut dire Dieu, il enseigna à Adam les noms de toutes les choses, ثم عرضهم على الملائكة, puis il les exposa aux anges, ça veut dire les choses, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الأشياء, أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, il leur demanda, ça veut dire Dieu, informez-moi des noms de ces choses si vous êtes véridiques. علم الله آدم عليه السلام أسماء الأشياء, Dieu a enseigné à Adam les noms de toutes les choses, ثم طلب من الملائكة أن تقول له أسماء هذه الأشياء, et par la suite Dieu a demandé aux anges qui voulaient être le calife sur terre de l'informer des noms de ces choses, فلم تعرف الملائكة, et les anges n'ont pas su répondre, donc ils ne peuvent pas être le calife, ils ne peuvent pas être les successeurs sur la terre. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, هذه ما علمتها لنا, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, il dit, gloire et pureté à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné, c'est toi le sachant et le sage par excellence. فالإسلام يعلمنا أن نقول الله أعلم, l'islam nous enseigne de dire c'est Dieu qui sait. إِذَا كُنَّ لَا نَعْرِفُ الْجَوَابَ عَلَى سُؤَالٍ, on dit cette formule lorsqu'on ne connaît pas la réponse d'une question. كَمَا فَعَلَتِ الْمَلَائِكَةِ, exactement comme ont fait les anges. قَالَ Allah, قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ, à ce moment-là, il dit, Adam, informe-les de leur nom. فلما أنبأهم بأسمائهم, lorsqu'il les informa de leur nom, قال معنى الله, قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض, il dit, ne vous ai-je point dit que je savais l'inconnu des cieux et de la terre, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, et je savais ce que vous montrez et ce que vous teniez caché. فالله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء, Dieu le Très-Haut est au courant du mouvement de la fourmi noire, على الصخرة الصماء, qui avance sur la pierre dure, في الليلة الظلماء, et ceci pendant la nuit obscure. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء, آدم عليه السلام المخلوق من ماء ومن تراب, تفوق على الملائكة المخلوق من النور. Ainsi, Adam, prière et salut sur lui, qui a été créé à partir de l'eau et de la terre, a eu la supériorité à dépasser les anges qui ont été créés à partir de la lumière, بفضل العلم الذي علمه الله له, et ceci grâce à la science que Dieu lui a enseignée. وهنا يظهر فضل العلم على العبادة, Et là apparaît le mérite de la science par rapport à l'adoration. Adam avait un peu de science que Dieu lui a enseigné. Les anges ne font que de l'adoration jour et nuit. Mais la science a eu la supériorité par rapport à l'adoration. وَإِذَا كَانَ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَدْ تَفَوَّقَ بِالْعِلْمِ عَلَى الْمَلَائِكَ. Et si Adam, prière et salut sur lui, a eu la supériorité par rapport aux anges, فَهُنَاكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مَنْ تَفَوَّقَ بِالْعِلْمِ عَلَى الْجِنِ. Il y a parmi la descendance d'Adam, parmi les enfants d'Adam, celui qui a dépassé, grâce à la science, les génies ou les diables. وَذَلِكَ أَمَامَ نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Et ceci devant le prophète de Dieu, Salomon, prière et salut sur lui. لَمَّا أَرَادَ عَرْشَ بِالْقِيسِ بَالْقِيسِ مَلِكَ تْسَبَ بِالْيَمَنِ وَهُوَ كَانَ مَوْجُودًا فِي الشَّامِ. Lorsqu'il a voulu apporter le trône de Balkis, la reine de Saba, du Yémen, et lui se trouvait dans la Sichem. قال عفريت من الجن تقول الآية الverset دي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Un génie ou un djinn redoutable dit je te la porterai avant que tu ne te lèves de ta place, ça veut dire avant ce midi. وإني عليه لقوي أمين, je suis fort et digne de confiance. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Quelqu'un qui avait une science du livre dit moi je te la porte avant que ton regard ne revienne à toi, ça veut dire je te la porte en un clin d'œil, ça veut dire en quelques secondes. وكان هذا آصف وزير سليمان, et c'était Asaf le ministre de Salomon. وهو رجل مؤمن, il fut un homme croyant. أتاه الله علما, auquel Dieu a délivré une science. هذه السرعة لم يصل إليها العلم الحديث, cette vitesse ou ce record n'a pas été battu par la science moderne. وهو أن تحضر الأشياء من آلاف الكيلومترات في بضع ثواني. Le record à battre, c'est d'apporter des objets à partir de milliers de kilomètres en quelques secondes. فالذي علم الإنسان هو الله. Celui qui a enseigné à l'homme n'était que Dieu. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. A enseigné à l'homme, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. ولذلك أول آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي آية العلم. Pour cette raison, le premier verset coranique qui a été révélé à Muhammad, prière et salut sur lui, était le verset de la science. اقرأ, de la lecture, lis. ومع الأسف, malheureusement, فالإنسان في هذا العصر, l'homme contemporain, et اتَّخَذَ الْعِلْمَ إِلَاهًا, a fait de la science une divinité. وَكَفَرَ بِاللَّهِ, et il est devenu mécréant à l'égard de Dieu grâce ou à cause de la science. وَالْعِلْمُ وَسِيلَةٌ تَخْدُمُ الْإِنسَانِ. Mais la science n'est qu'un moyen qui est au service de l'homme. وَلَيْسَ إِلَاهًا يَعْبُدُهُ الْإِنسَانِ. Et la science ne peut jamais être une divinité adoré par l'homme. يقول الله, Dieu dit, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sauf Iblis, le père de tous les démons, sauf Iblis qui refusa, s'enorgueillit et fit partie des négateurs. والسجود الملائكة لآدم بأمر من الله هو سجود تحية وليس سجود عبادة. Et la prosternation des anges devant Adam selon un ordre divin était une prosternation de salutation pour saluer Adam et non pas une prosternation d'adoration. فالعبادة لا تكون إلا الله, parce que l'adoration ne peut être faite que vis-à-vis ou que vers Dieu subhanahu wa ta'ala. قال الله, Dieu dit, قال يعني الله هنا يحاور إبليس et là c'est l'autre côté du dialogue de Dieu avec Iblis. قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك. Il dit qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai ordonné. قال أنا خير منه. Il répondit, Iblis يتكلم مع الله. يقول له أنا خير منه. Il répondit, je suis meilleur que lui. خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. كل من في الدنيا يقول على إنسان آخر أنا خير منه فهو يتبع طريق إبليس. Toute personne qui sera saisie par l'orgueil un jour et dit par rapport à une autre personne, je suis meilleur qu'elle, fait suivre le chemin d'Iblis. وَلِهَذَا كُلْ مَا رَأَ إِبْلِيسِ كُلَّ مَا رَأَ إِبْلِيسِ إِبْنُ آدْ إِبْنَ آدَمَ سَاجِدًا فِي الصَّلَاةِ بَكَى. C'est pour cette raison que à chaque reprise qu'Iblis repère l'un des enfants d'Adam dans la prosternation, dans sa prière, il pleure. وَقَالَ أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ وَدَخَلْتُ النَّارِ. Et il répète, on m'a demandé, Dieu m'a demandé de me prosterner et j'ai refusé. Et comme ça, je suis parmi les gens de l'enfer. وَأُمِرَ بْنُ آدَمْ بِالسُّجُودِ. Et le fils d'Adam a reçu l'ordre de se prosterner. فَعَطَعَ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Et il a obéi et il sera dans le paradis. وَإِذَا كَانَ إِبْلِيسَ قَدْ صَارَ كَافِرًا بِسَجْدَ وَاحِدًا. Et si Iblis est devenu mécréant avec ou à cause d'une seule prosternation qu'il a ratée, لَمْ يَسْجُدْ عَلِي آدَمْ, qu'il n'a pas fait à Adam, فَمَا بَالُكَ بِالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَرَكُوا السُّجُودَ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِآدَمْ وَمَخْلُوقٍ تَرَكُوا السُّجُودَ لِلَّهِ خَمْس مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ. Que dire des musulmans d'aujourd'hui qui ont abandonné la prosternation à Dieu 5 fois par jour. السجود له قيمته الكبيرة في الإسلام. La prosternation a sa grande place ou a sa grande valeur en islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, prière et salut sur lui, dit أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. La position dans laquelle le serviteur se trouve plus proche de Dieu, c'est lorsqu'il se prosterne, ou bien c'est pendant la prosternation. إذا أردت القيام بحوار مع الله. Si tu veux, mon frère ou ma sœur, faire un dialogue avec Dieu, فعليك بالسجود وعليك بالقرآن. Tu dois faire la prosternation et tu dois réciter le Coran. بالسجود أو في السجود تتكلم مع الله. أنت قريب منه تتكلم معه. Pendant la prosternation, tu deviens très proche de Dieu et tu parles avec Dieu. وبالقرآن يتكلم الله معك. وفي القرآن يجيبك الله تعالى وتبارك. Mais lorsque tu lis le Coran, c'est Dieu qui te parle. Tu vas entendre la parole de Dieu. بينما تاجر يعود من بغداد إلى بلاده مكة. Pendant qu'un commerçant faisait le chemin du retour de Bagdad vers sa ville, la Mecque, il y a eu un pirate de route qui lui a barré le chemin et qui l'a menacé de mort. Le commerçant lui dit, vas-y, prends toute ma fortune, prends mes biens, et laisse-moi continuer mon chemin. Et laisse-moi revenir vers mes enfants. Mais le pirate, ou le voleur, a refusé, lui a dit, je vais te tuer. Et le commerçant lui a demandé de le laisser faire 2 unités de prière avant la mort, de lui accorder de faire 2 unités de prière avant la mort. Et le pirate a donné son autorisation. Le commerçant est entré dans la prière. فلما سجد lorsqu'il s'est prosterné انظر قيمة السجود regardez l'importance de la prosternation في السجود قال لربه pendant la prosternation il dit à son seigneur وربه يسمعه et son seigneur l'écoutait وقاطع الطريق لا يسمعه et le pirate ne pouvait pas l'entendre ne pouvait pas entendre ce qu'il disait pendant sa prosternation يا ودود ô aimable يا ذا العرش المجيد ô possesseur du trône glorieux يا ذا البطش الشديد ô tout puissant يا فعال لما يريد ô réalisateur de tout ce qu'il veut يا مغيث أغثني ô assistant assiste-moi يا مغيث أغثني ô assistant assiste-moi يا مغيث أغثني ô assistant assiste-moi وسلم et il a prononcé les salutations ونظر عن يمينه et il a vu à sa droite فوجد فارسا بيده سيف il a repéré à sa droite un chevalier portant une épée dans la main وقاطع الطريق يتوسل إليه أن يتركه et le pirate est en train de supplier le chevalier de le laisser en vie ولكن الفارس قطع رأسه mais le chevalier lui a coupé la tête فقال له التاجر le commerçant lui dit من أنت يرحمك الله qui es-tu que Dieu soit miséricordieux à ton égard فقال له il lui a donné cette réponse أنا ملك من ملائكة السماء je suis un ange parmi les anges du ciel لما استغفت بالله lorsque tu as demandé secours à Dieu تضرعنا إلى الله أن يأذن لنا nous avons demandé à Dieu de nous autoriser فأذن الله لي et Dieu m'a autorisé والسلام عليك ça veut dire de le tuer والسلام عليك ورحمة الله يا عبد الله et que les salutations soient pour toi ainsi que la miséricorde de Dieu aux serviteurs de Dieu. فالسجود له قيمته في الإسلام. La prosternation a toute sa grande valeur en islam. أيها الإخوة, mes frères et mes sœurs, إذا كان الله قد خلق آدم, si Dieu a créé Adam, وجعله خليفة في الأرض, et il l'a choisi comme calife, comme successeur, comme lieutenant sur terre, وفضله pour gérer le monde selon les ordres de Dieu, وفضله بالعلم على الملائكة et si Dieu a honoré Adam notre père par la science devant les anges وجعل الملائكة تسجد له et il a demandé à ses anges de se prosterner devant notre père فما هو المطلوب من بني آدم qu'est-ce qui est demandé aux enfants d'Adam الجواب في قوله تعالى la réponse se trouve dans un verset coranique وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent وَأَتَسَأَلْ et je m'interroge هل المطلوب من العبادة لله طول النهار والليل est-ce qu'on nous a demandé de faire l'adoration pour Dieu pendant le jour et la nuit en continuité يعني صلاة وصيام وقرآن من غير توقف كالملائكة ça veut dire faire la prière, le jeûne, le Coran sans arrêt comme les anges الجواب لا la réponse non فالإسلام دين الرحمة l'islam est la religion de la miséricorde جاء به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم apporté par le prophète de la miséricorde prière et saillie sur lui فالمسلم إذا كانت نيته صالحة وصادقة lorsque le musulman a une intention sincère et vertueuse, فَكُلُّ أَعْمَالِهِ تُصْبِحُ عِبَادَةً toutes ses œuvres se transforment, deviennent une adoration. لَيْسَ فَقَدْ صَلَاتُهُ et non pas uniquement sa prière, أَوْ صِيَامُهُ ou bien son jeûne, أَوْ زَكَاتُهُ ou bien sa zakat, أَوْ حَجُّهُ son pèlerinage, وَقُرْآنُهُ ou sa lecture coranique, وَلَكِنْ mais plutôt, أَكْلُهُ يُصْبِحُ عِبَادَةً son repas, sa nourriture lorsqu'il mange son repas c'est une adoration ça devient une adoration son sommeil devient une adoration lorsqu'il garde le silence lorsqu'il se tait devient une adoration. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme l'a dit le prophète, prière et salut sur lui, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, il n'a qu'à dire du bien ou qu'il se taise. Fa fikruhu fil kawn ibada, sa méditation sur l'univers devient une adoration. Ibtisamatuhu al-khalisa li akhihi ibada, son sourire authentique, sincère pour son frère est une adoration. Ziyaratuhu li marid ibada, sa visite pour un malade, rendre visite pour un malade devient une adoration. I'anatuhu li akhihi al-muslim i'ada, i'ana, son aide pour son frère le musulman est une adoration. Mu'amalatuhu at-tayyiba li zawjatihi ibada, son bon comportement avec sa femme est une adoration. Hatta 'alaqatuhu al-jinsiyya ma'a zawjatihi ibada, même sa relation intime avec sa femme est une adoration. Tarbiyatuhu li awladihi ibada, son éducation pour ses enfants est une adoration. Safaruhu ibada, son voyage devient une adoration. Imatatuhu al-aba 'an at-tariq ibada, lorsqu'il enlève le mal qui peut nuire aux gens du chemin des passants, ça devient une adoration. Ihtiramuhu li jarihi ibada, son respect pour son voisin est une adoration. Adluhu ibada, sa justice, son équité est une adoration. Husnu khuluqihi ibada, son meilleur comportement est une adoration. Islahuhu bayna ithnayn ibada, sa réconciliation entre deux est une adoration. Amaluhu عبادة, يستيقظ في الصباح يذهب للعمل طول النهار, ها هو في عبادة. Son travail pendant le jour, lorsqu'il se réveille tôt le matin, il part pour travailler, il est en adoration. دراسته عبادة, ses études scolaires sont une adoration. طاعته لوالديه عبادة, son obéissance pour ses parents est une adoration. باختصار, brièvement, فالمسلم حياة المسلم كلها تصبح عبادة, la vie entière, la vie totale des musulmans devient une adoration. ليلها ونهارها, pendant le jour et la nuit. والحمد لله على هذا الدين, دين الإسلام, et la louange entière et à Dieu pour cette religion qui nous a choisi, cette religion d'Islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, يعني بعد يوم أو يومين يبدأ رمضان, après un jour ou deux il y aura le mois de Ramadan qui va commencer. ومن بين أعظم العبادات صيام رمضان. Il est connu, on le rappelle, parmi les meilleures et les grandes adorations se trouve le jeûne du mois de Ramadan. إن كانت الطاعات ترفع الإنسان إلى صف الملائكة وأكثر, si les obéissances élèvent l'individu ou élèvent le musulman vers le rang des anges ou même plus, وإذا كانت المعاصي تنزل بالإنسان إلى صف الحيوان أو أقل, et si les désobéissances font descendre l'individu ou l'homme vers le rang des animaux ou pire, فإن المسلم الصائم في أيام رمضان, le musulman jeûneur qui observe le jeûne pendant les jours du mois de Ramadan, يكون ملكا يمشي فوق الأرض, le musulman qui fait le jeûne pendant le mois de Ramadan devient un ange qui marche sur la terre. La yakul, il ne mange pas. La yashrab, il ne boit pas. Yatahakkam fi kulli shahawati, il contrôle tous ses désirs. Fatafhamu al-malaika qawla Allah ta'ala, et ainsi les anges comprenne le sens de la parole de Dieu, إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, je sais ce que vous ne savez point. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, ils dirent, ça veut dire les anges, y places-tu celui qui mettra, y mettra le désordre et répondra le sang. فَرَمَضَانَ يُبَيِّنَ أنه ليس كل الناس مفسدون في الأرض. Le mois de Ramadan montre comme quoi c'est pas tous les gens qui sont des corrompus ou corrupteurs sur la terre. ولكن هناك مسلمون كالملائكة أو أفضل رغم شهواتهم. Mais le mois de Ramadan montre comme quoi il y a des musulmans qui sont comme les anges ou meilleurs. رغم شهواتهم, malgré leur désir, malgré leur passion, مسلمون يحبهم الله, des musulmans aimés par Dieu, ويحب الله صيامهم, et Dieu aime leur jeûne, إلى درجة أن قال صلى الله عليه وسلم, jusqu'au point que le prophète prière et sur lui a dit, ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, le relent de la bouche du jeûneur est plus parfumé auprès de Dieu que l'odeur du musc. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam Muslim. والصيام عبادة سرية, le jeûne est une adoration secrète. والجزاء عليها, et la récompense du jeûne, le salaire du jeûne le jour de la résurrection. إذا وقف العبد في ساحة الحساب أمام الله, lorsque l'individu s'arrête dans la cour du jugement devant Dieu subhanahu wa ta'ala, سأل الله, on va interroger Dieu, يا ربنا لماذا لا نجد في الموقف فلانا وفلانا, pourquoi ô Seigneur, pourquoi on ne trouve pas telle ou telle personne avec nous dans cette cour, أينهم, où sont-ils, فيقول لهم مولانا, et notre Seigneur va leur dire, أدخلتهم الجنة سرا لأنهم عبدوني سرا, je les ai fait entrer au paradis secrètement parce qu'ils m'ont adoré secrètement. أدخلتهم الجنة سرا لأنهم عبدوني سرا. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, أحب أن أقول بأن الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم تحية وتكريما, j'aimerais dire que les anges qui se sont prosternés devant notre père Adam pour le saluer, pour l'honorer, وإبليس الذي عصى فكان من الكافرين, et je veux rappeler que Iblis qui a désobéi et qui est devenu parmi les mécréants, في كل رمضان لهذين الصنفين من المخلوقات العجيبة الملائكية والجنية, pendant chaque mois de Ramadan, il y a deux positions différentes, deux situations différentes pour ces deux créatures angéliques ou diaboliques. Mawqifayni mukhtalifayni. Al-malaika tanzil fi Ramadan. Les anges descendent pendant le mois de Ramadan. Les tusafiha wa tuhanni al-muslimin abna Adam alayhi salam, pour saluer, pour féliciter les musulmans, enfant d'Adam, prière et salut sur lui, kama hayyat abahum bis sujoud, exactement comme ils ont salué leur père Adam par la prosternation. Wa amma ash-shayatin abna ash-shaytan al-kabir abna iblis, tandis que les satans, les démons, enfants du grand satan iblis, fayusaffaduna fi kulli ramadan bi idhnillah, ils sont enchaînés, ils prendront, ils seront dans des menottes pendant chaque mois de Ramadan par un ordre suprême de Dieu, كما طرد أبوهم من رحمة الله وجنته, exactement comme leur père a été chassé de la clémence, la miséricorde et le paradis de Dieu. هؤلاء شياطين الجن, on parle bien des démons diaboliques. أما شياطين الإنس فلا تصف, mais par contre les démons humains ne connaissent pas l'enchaînement ou les menottes. Wa akhiran aqul, et à la fin je dis, akhi, ukhti, frère, sœur, ha huwa ramadan ala al-abwab, voici de nouveau le mois de Ramadan devant les portes. Fa kun in shi'ta malakan min al-malaika al-muqarrabin, sois si tu veux un parmi les anges rapprochés de Dieu. ou shaytan min al-shayatin al-marjoumin, ou un satan parmi les satans lapidés, waffaqan Allah, que Dieu nous aide, wa ramadan mubarak. Allahumma inni da'in fa'amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa, wal-afafa wal-ghina, wal-afafa wal-ghina, wal-afwa wal-afiyah, fi al-dini wal-dunya wal-akhirah. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة اللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تحرمنا من صيام هذا الشهر، اللهم اجعلنا نصوم هذا الشهر، اللهم اغفر لمن قبضت وأمت قبل وصول هذا الشهر، اللهم في هذا الشهر اجعلنا من عبادك المكرمين، اجعلنا كالملائكة ولا تجعلنا كالشياطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا الشهر المبارك الكريم تقبل يا رب منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأدخلنا الجنة بسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.